Bon, lu jëm ci walu critérium 0,5 ak 0,7 ak 0,9, benn bu ci nekk 12 la ak charge am. Benn 0,5 bi 12 critérium ak ses 12 charge am, 0,7 12 critérium ak 12 charge am, 0,9 bi tamit 12 critérium ak 12 charge am. Loolu noonu paire bi critérium bu nekk ak charge bi mi ngi médiquer 330 francs CFA. Yaani critérium 0,5 330 ma ànd ak kii bi charge bi. Après xool lu nga xamante ni moom nga koy lijjantee. Barakallahu fiik.